Voilà. Bon, écoutez, donc je vais vous parler de cette minorité, ou plutôt de ces minorités tamoules au pluriel, qui, si vous avez suivi un petit peu l'actualité au cours des 5 ou 6 dernières années, ont fait parler d'elles parce que la rébellion séparatiste qui avait été engagée depuis une trentaine d'années a été écrasée en 2009 de façon extrêmement brutale. Et c'est un thème que j'ai suivi depuis très longtemps, puisque je suis allé à Sri Lanka pour la première fois en 1975, et pour la dernière fois, eh bien, j'y étais il y a une semaine. J'ai été en particulier à Jaffna, dans la région tamoule, il y a une semaine, donc j'ai pu apprécier l'évolution sur une très longue période. Voilà. Alors, située cette île, bon, ben, vous voyez, c'est au sud de l'Inde. C'est une petite île, hein, c'est pas très grand. Ça fait 250 km sur 120. C'est une île très densément peuplée, il y a 20 millions d'habitants. Et c'est une île où toute une série de communautés que je qualifierais d'ethno-linguistiques se sont installées au cours des millénaires. Parmi ces minorités, eh bien, il y a celles qui sont de langue tamoule, puisque le tamoule, c'est une langue, c'est pas une race, hein, c'est une langue. Il y a donc ces minorités de langue tamoule qui représentent 25% de la population de l'île, et donc environ 5 millions de personnes, et une majorité de langue singalaise, qui représente donc les 75% restants de la population. Alors, quand je dis minorité de langue tamoule, il faut bien s'entendre sur ce terme. Alors, la langue tamoule est une langue qui se pratique en Inde du Sud et à Sri Lanka, qui est parlée aussi un petit peu à l'île Maurice ou dans un certain nombre de zones qui sont des zones où il y a une diaspora tamoule. Et c'est une langue qui n'appartient à aucun autre groupe linguistique. C'est une langue extrêmement particulière qui est localisée dans le sud de l'Inde et au nord de Sri Lanka. Cette langue s'écrit avec une écriture qui est distincte de l'écriture de singalais. Et la langue singalaise, elle, appartient au grand groupe des langues indo-européennes. Et s'apparente au hindi, au bengali, à des langues qui sont parlées plutôt dans le nord de l'Inde. Voilà, donc pour situer cette question linguistique sur laquelle on va revenir parce que c'est au cœur du sujet. Mais je vais continuer sur la présentation, géographique et sociologique. Donc là, j'ai fait une carte qui est assez complexe et qui présente région par région. Alors il s'agit, ces noms sont des noms de régions, qui présente région par région le pourcentage de population parlant la langue tamoule. Mais vous allez voir qu'il y a différentes catégories de tamoule. Alors, la population de langue tamoule est principalement concentrée dans l'extrême nord de l'île, dans la partie qui est la plus proche de l'Inde, parce qu'en fait, c'est aussi au sud de l'Inde que résident des tamouls. Donc, la péninsule de Jaffna, qui est très densément peuplée, est le cœur de la zone de langue tamoule. Mais le tamoul est également parlé dans la partie orientale de l'île. Le tamoul est également parlé à Colombo, la capitale. Et il est également parlé dans le centre de l'île, dans la région des plantations de thé. Alors, cette carte... Ça n'avance pas très bien, ce truc. Bon, on va continuer sans carte. Ah oui, bon, ça c'est une carte qui vous présente la géographie physique de l'île. Vous voyez qu'il y a des montagnes au centre et que le nord et le pourtour de l'île sont des zones de très faible altitude. Donc je vais continuer sur la question des langues et des minorités. J'ai dit qu'il y avait des minorités tamoules au pluriel, parce que en fait la langue tamoule, qui représente donc 25% qui est parlée par 25% de la population, est une langue qui, elle-même, a évolué au cours des siècles et qui est parlée par des groupes de personnes qui sont arrivées à des périodes très différentes dans l'île. La plus grande partie des locuteurs de tamoul sont arrivés dans l'île à peu près en même temps que les Cingalais, dans la très haute antiquité. Mais il y a eu une deuxième vague de peuplement tamoul qui est arrivée au Moyen-Âge, aux alentours du 12e, 13e, 14e siècle. Et dans cette deuxième vague de peuplement de langue tamoul, il y avait beaucoup de musulmans. Donc sur les 25% de locuteurs de tamoul, il y a à peu près 8% de musulmans. Or, les musulmans de langue tamoul ne s'identifient absolument pas autour de la langue, ils s'identifient autour de l'appartenance religieuse. Et dans la façon dont les Anglais, et ensuite à l'indépendance, les Sri Lankais ont représenté leur complexe ethno-linguistique, eh bien, ils attribuent aux musulmans une identité séparée. Et les musulmans eux-mêmes se considèrent comme une identité séparée et n'ont jamais participé à ce mouvement séparatiste dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est une première particularité qui fait qu'il n'y a pas 25% de tamouls se réclamant en tant que tamouls autour de leur langue. Alors, il y a eu une nouvelle vague de peuplement qui est arrivée au 19e siècle et qui est le fait des colonisateurs britanniques. L'île a été colonisée par les Anglais à la fin du 18e, début 19e, après avoir été colonisée par les Portugais et par les Hollandais. Et les Anglais ont développé des plantations, d'abord de café et ensuite de thé. Vous connaissez tous le thé de Ceylan. Or, le thé de Ceylan a été produit dans le cadre de grandes plantations que les Anglais ont développé grâce à une main-d'œuvre immigrée, généralement de très basse caste, qu'ils ont fait venir d'Inde du Sud. Donc on a une population immigrée tamoule, qui sont les descendants des gens qui sont arrivés au 19e, au début du 20e siècle, et eux vivent au centre de l'île, parce que les plantations de thé sont installées dans les montagnes. Donc très loin de la zone de Jaffna et de Trincomalee, qui sont les zones de peuplement initial tamoul. Et ces tamouls et plantations, qui représentent 4 à 5% de la population de l'île aujourd'hui, ne s'identifient pas non plus avec la revendication tamoul. Donc, si on déduit, si je puis dire, les musulmans et les tamouls et les plantations, eh bien, on arrive à une population, disons, qui se considère comme autochtone, tamoul autochtone, qui est de l'ordre de 12 à 13% de la population. Donc ça réduit beaucoup par rapport aux 25%. C'est à peu près la moitié, en fait. Sur les 25%, il n'y en a que la moitié qui ont cette identité forte et qui la cultivent. À l'intérieur même de cette identité tamoule, il faut également faire une distinction qui est beaucoup moins prégnante que celle dont je viens de vous parler, mais qui contribue à rendre difficile une lutte homogène. Alors, à l'intérieur donc, de cette communauté de 12,5% de la population, vous avez d'abord une majorité de population qui est de religion hindouiste, généralement adepte des divinités shivaïtes. Ce sont les divinités qui sont les plus importantes en Inde du Sud. Mais il y a également une petite minorité catholique, très active, qui représente peut-être 2% de la population, et qui a joué un rôle important, vous le verrez, dans la revendication tamoule. Donc, il faut bien être clair, la revendication tamoule n'a pas de base religieuse. Elle n'a absolument aucune base religieuse, puisque aussi bien les catholiques que les hindous se sont engagés dans cette lutte séparatiste. Une autre distinction à établir, et qui est importante pour comprendre l'histoire, c'est que, en fait, la péninsule de Jaffna et de Trincomalee, cette zone qui est au nord et à l'est, est une zone relativement pauvre, naturellement. Et très très tôt, les Tamouls ont émigré dans le reste de l'île. Alors, ils ont émigré très souvent parce qu'ils maîtrisaient beaucoup mieux que les Cingalais la langue anglaise. Il y a eu un très fort investissement de la part des Tamouls dans l'enseignement, dans la langue du colonisateur. Et donc les Anglais ont en même temps utilisé cette minorité tamoul pour leur servir de fonctionnaires subalternes, mais aussi les Tamouls se sont largement engagés dans les professions juridiques, se sont largement engagés dans la médecine, et tout naturellement, ils sont venus s'installer à Colombo, dans la capitale. Donc la capitale, Colombo, comporte une population de langue tamoul, en fait, qui est bilingue, pratiquement toujours, anglais-tamoul, et même très souvent trilingue maintenant, anglais-tamoul-singalais, et qui représente à peu près un tiers de la population de la capitale. Donc la capitale est un lieu important pour la communauté tamoul, mais en même temps, ce n'est pas un lieu qui rentre dans une logique territoriale de séparatisme territorial, qui n'a évidemment aucun sens pour des gens qui sont établis dans la capitale. Voilà, donc vous voyez la complexité de cette communauté qui a un point commun, l'usage de cette langue, qui est une langue de haute culture. Je précise, les Tamouls sont extrêmement fiers de leur langue. C'est vraiment le critère d'identité essentiel. La littérature tamoule, dans sa forme la plus archaïque, remonte au 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle est donc presque aussi ancienne, les Tamouls disent qu'elle est aussi ancienne que la littérature transcrite. Enfin, c'est une littérature poétique, une littérature d'épopée, et qui chante la grandeur de cette langue qui est considérée comme la mère. L'image de la mère, de la langue maternelle, de la mère, est très très forte chez les Tamouls. Et aujourd'hui encore, chez les Tamouls en diaspora, il y a des Tamouls à Rennes, si vous en rencontrez et que vous parlez avec eux, parlez-leur de leur langue, ils sont ravis. C'est vraiment ça qui fait leur identité. Bon, maintenant je vais passer à la revendication et disons aux facteurs historiques. Donc là, est-ce que je vais trouver une carte qui va correspondre à mes besoins ? Ouais, alors. Donc là, c'est une carte qui vous présente plus précisément la zone nord de l'île, qui va être le cœur de la revendication séparatiste. Alors, cette zone nord de l'île, qui est dominée par la péninsule de Jaffna, mais qui comprend au sud de la péninsule de Jaffna toute une zone qui est une zone beaucoup moins peuplée, qui est une zone initialement de jungle, qu'on appelle la zone de Vanni, et qui comprend également cette région de Trincomalee où il y a un port de grand intérêt stratégique. Donc cette zone a été le lieu d'une revendication qui s'est manifestée essentiellement après l'indépendance. Alors le pays est devenu indépendant en 1948, et après l'indépendance, la langue anglaise, qui était la langue du colonisateur, qui était la langue administrative, a été conservée jusqu'en 1956. En 1956, un mouvement issu de la majorité singalaise bouddhiste, alors j'ai oublié de vous dire que les Singalais sont, dans leur très grande majorité, de religion bouddhique. Donc un mouvement issu, disons, de ce qu'on pourrait qualifier de nationalisme bouddhique singalais, a trouver une expression politique à travers un leader qui s'appelait Bandar Naike, et ce leader a gagné les élections de 1956, et parmi dans son programme électoral, il y avait deux mesures qui ont été appliquées, disons, symboliquement très vite, dans la pratique beaucoup plus lentement, mais symboliquement très vite. Une de ces mesures consistait à abandonner l'anglais comme langue officielle, et à faire du singalais la seule langue officielle. en donnant au tamoul le statut de langue régionale locale. Alors, à l'image de l'Inde, qui avait à la même époque fait du hindi la langue officielle, le tamoul étant considéré en Inde comme une langue régionale. Mais l'Inde est un continent, Sri Lanka est une toute petite île, hein, donc la question de la dimension joue beaucoup. Le deuxième élément du programme de Bandaranaïke, qui nous concerne, consistait à faire du bouddhisme, non pas la religion officielle, mais la religion qui devait bénéficier d'une attention particulière de la part de l'État. C'est ça, le bouddhisme est considéré non pas comme une religion officielle, mais comme une religion privilégiée, les autres religions étant tout à fait libres de pratiquer leur culte, mais disons qu'il y a un rôle particulier donné au bouddhisme. Alors ce tournant de 1956 a immédiatement créé chez les tamouls, chez lesquels il n'y a pas de bouddhistes, et qui ne pratiquent pas la langue singhalaise, mais qui pratiquaient l'anglais, et donc qui avaient une place importante dans l'administration, donc a immédiatement créé chez les tamouls un sentiment de frustration, et les tamouls, notamment les tamouls de Jaffna, ont commencé à lancer un mouvement qui était un mouvement autonomiste. Bon, il n'était pas encore question de séparatisme à ce moment-là, mais d'autonomie, avec une revendication d'un régime à l'indienne. Vous savez peut-être que l'Inde est un pays fédéral, dans lequel chacun des États fédérés a une langue officielle. Donc le Tamil Nadu, l'État du sud de l'Inde, le tamoul, c'est la langue officielle. Bon, alors donc les tamouls de Jaffna ont réclamé une région autonome dans le nord et l'est de l'île, qu'ils ont appelé Ilam, Ilam, 2 E L A M, ou I, accent circonflexe L-A-M. Le mot Ilam signifie Ceylan en tamoul. Hein, et donc, ils ont réclamé cette région autonome, et ils ont réclamé un régime fédéral, et leur parti, s'est donné le nom de parti de l'État tamoul, mais de l'État fédéral tamoul. Ce parti a gagné les élections régulièrement. Alors, Sri Lanka avait à l'époque un régime démocratique, avec élections régulières et très transparentes. Donc, ils ont gagné régulièrement les élections dans le Nord, mais les gouvernements majoritaires, Singhalais et Tablo Colombo, n'ont tenu aucun compte, ont fait quelques vagues promesses, mais n'ont tenu aucun compte de cette revendication, de sorte que le mouvement autonomiste s'est progressivement radicalisé et transformé dans les années 70, donc entre 56 et 70, en un mouvement séparatiste. Alors le mouvement séparatiste lui-même a pris deux formes. À l'origine, les politiciens tamouls étaient des gens de haute caste, avec un niveau d'éducation tout à fait supérieur et un niveau de vie élevé, hein. Peut-être une sorte de bourgeoisie locale qui n'était pas prête à se lancer tête baissée dans un mouvement armé. Mais cette élite tamoule de Jaffna s'est trouvée en fait privée d'une grande partie des ressources qu'elle tirait de sa présence dans l'administration. Donc elle s'est repliée sur le secteur privé. Mais du fait que l'anglais n'était plus langue administrative, ils ont perdu leur possibilité d'ascension sociale ou de maintien de leur statut. D'autre part, à cette époque-là, les universités, qui étaient à l'origine des universités anglophones, sont devenues des universités bilingues, singhalais et tamoul. Mais les procédures d'accès à l'université ont été régies désormais par un régime de quotas qui faisait qu'il y aurait 25% d'étudiants de langue tamoul et 75% d'étudiants de langue singhalaise. Or, avant ce régime de quotas, dans des secteurs comme le droit et la médecine, il y avait à peu près 50% de tamouls, mais qui parlaient l'anglais. Hein. Donc le fait de basculer vers un régime de quotas proportionnel à la population de l'île a privé les Tamouls de l'accès à beaucoup d'universités. Donc ceux qui en avaient les moyens sont allés dans les universités britanniques, australiennes ou canadiennes, et disons l'immigration a pris de l'ampleur à ce moment-là dans ces classes aisées. Mais la masse de la population tamoule, évidemment, n'était pas concernée du tout par ce mouvement-là. Alors, cette classe aisée s'est radicalisée, disons, en parole et en intention, et s'est mise, à partir des années 76-77, à proclamer que l'objectif était l'indépendance de l'Ilam. Mais en réalité, ceux qui ont été les acteurs de ce mouvement n'appartenaient pas à cette classe. Alors maintenant, je vais vous parler des milieux populaires tamouls et de la façon dont s'est concrétisée cette revendication qui est devenue une revendication armée. Alors, les milieux populaires tamouls sont marqués par le système de la caste, comme en Inde. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est né dans une famille de pêcheurs, eh bien, on appartient pour toujours à la caste des pêcheurs et les mariages se font à l'intérieur de la caste. Lorsqu'on appartient à une caste de grimpeurs de palmiers, même chose. Lorsqu'on appartient à une caste de travailleurs agricoles, même chose. Donc les classes populaires de Jaffna, une proportion de deux tiers à peu près, appartiennent à ces couches, qui sont des couches qui, jusque-là, n'avaient pas du tout accès, à des phénomènes quelconques d'ascension sociale. Mais, en revanche, un certain nombre de ces familles populaires étaient déjà très ouvertes sur l'extérieur, notamment les pêcheurs du nord de Jaffna, qui faisaient le commerce ou éventuellement la contrebande avec l'Inde, et qui, du fait même de la profession, de leur profession de pêcheur, profession maritime, avaient une ouverture et également aussi une tradition de violence. Vous savez que la pêche, c'est une activité qui n'est pas une activité non violente, loin de là. Et dans le contexte hindou, alors que les agriculteurs sont considérés comme des gens purs et qui n'exercent aucune violence et qui ne touchent pas, ne mangent pas les animaux, hein, eh bien, les pêcheurs, au contraire, sont des gens qui ont l'esprit d'entreprise, mais qui partent en mer et qui exercent leur violence pour vivre. Et donc cette image, cultivée par les pêcheurs eux-mêmes, a fait d'eux le noyau initial de la revendication armée tamoule. Alors les pêcheurs, ça représente quand même pas beaucoup de population, c'est peut-être 2% de la population de l'île. Et parmi les pêcheurs, il y a à peu près la moitié qui sont catholiques. Parce qu'en fait, les Portugais, lorsqu'ils sont arrivés dans l'île au XVIe siècle, ils ont converti les gens qui étaient les plus proches d'eux, puis qui étaient en relation avec eux, les pêcheurs. Donc il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs catholiques, mais il y en a aussi beaucoup qui sont hindous. Et que ce soit des catholiques ou des hindous, ils se sont tous engagés, je dirais oui, pratiquement toute la communauté de pêcheurs s'est engagée dans la lutte armée. Autour d'un personnage qui s'appelle Prabhakaran, et dont je vais vous dire deux mots parce qu'il est important pour cette histoire. Et je retrouve une carte un peu plus... qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les années 70, un groupe de jeunes issus de Jaffna s'est lancé dans une action, mais groupusculaire. C'était un groupe d'une vingtaine de jeunes qui n'avaient pas eu accès à l'université de Jaffna et qui étaient sans emploi et qui ont commencé, ils étaient tous issus de ces villages de pêcheurs du Nord, et ils ont commencé à attaquer les policiers et ensuite l'armée qui a été envoyée à Jaffna. Donc des policiers qui, pour la plupart, étaient des Singhalais. ils ont commencé à les attaquer, donc attaque de poste de police, sur le modèle d'autres attaques menées, elles, par des Cingalais dans le cadre d'une révolte précédente dont je ne vous parle pas aujourd'hui, puisque ça ne concerne pas les Tamouls. Alors, ces attaques ont entraîné naturellement l'envoi de troupes, une répression, et donc le cycle provocation-répression a fait que, au début des années 80, il y avait déjà à Jaffna des détachements très importants de l'armée qui étaient, très largement manipulés par des politiciens cingalais extrémistes. Et ce sont ces détachements de l'armée, généralement sans uniforme, qui ont commis, à partir des années 81-82, des attaques contre les civils et des attaques contre des monuments ou des lieux qui, symboliquement, étaient extrêmement importants pour les Tamouls, en particulier de l'attaque de la bibliothèque publique de Jaffna, qui était une grande bibliothèque qui possédait l'essentiel de la littérature manuscrite et imprimée, mais surtout manuscrite tamoule, remontant au siècle précédent. Cette bibliothèque a été saccagée et brûlée en 1981, et ce saccage, cet incendie, ont fait basculer vers la revendication séparatiste la grande majorité de la population de Jaffna. En 83, le même phénomène s'est reproduit cette fois-ci à Colombo, donc dans la capitale de l'île, puisque à Colombo, je vais essayer de retrouver des... Voilà. Donc Jaffna. Donc à Colombo, en 1983, les Tamouls, dont je vous ai dit qu'ils étaient nombreux dans la capitale, ont été attaqués par des bandes cingalaises manipulées par des politiciens proches du pouvoir. Et il y a eu un véritable pogrom au cours du mois de juillet 1983, avec plusieurs milliers de victimes dans les rues de Colombo. Cet événement a... accélérer le mouvement d'émigration des Tamouls qui avait commencé dès avant 1983, mais qui a touché principalement à ce moment-là les Tamouls établis dans la capitale. Donc il y a eu un mouvement d'émigration vers d'abord les pays anglophones. En 1983, il était déjà plus possible il n'y avait plus de passeport de Commonwealth. Avant 1978, avant Margaret Thatcher, on pouvait, quand on était Sri Lankais, aller dans les pays du Commonwealth avec un passeport. C'est devenu très difficile après les années, à partir du début des années 80. Donc en 83, ceux qui avaient déjà des parents et des possibilités, des moyens, sont allés dans les pays anglophones, dans les pays du Commonwealth. Les autres sont allés là où ils pouvaient. Donc, soit vers les pays du Moyen-Orient où ils pouvaient trouver du travail, soit de plus en plus vers les pays d'Europe continentale, l'Allemagne, la France, etc. Et donc l'émigration tamoule, qui au début a touché quelques dizaines de milliers de personnes, s'est enflée au point représenter aujourd'hui à peu près 1 million de personnes à travers le monde, dont 80 000 tamouls en France. Je ne compte pas les descendants de la deuxième génération, mais ceux qui ont émigré, c'est à peu près 80 000 personnes, ce qui est considérable. Alors ça, c'est après 1983. Dans les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette émigration, le statut de réfugié politique a été accordé très libéralement, notamment en France. Les Tamouls, entre 1983 et 1992, ont été la communauté qui a obtenu le plus facilement le statut de réfugié politique. De la même façon que les Vietnamiens, dans les années 70, l'avaient obtenu, et que les Libanais l'avaient obtenu aussi dans une assez large mesure au moment de la guerre de Vietnam. les choses ont changé après 1992. Alors, cette revendication tamoule, elle a donc pris une forme armée, et à ce moment-là, se sont constitués une série de groupes. Le groupe principal était dirigé par Prabhakaran et a pris le nom de Tigre, de libération de l'Ilan Tamoul. Alors pourquoi Tigre? D'abord parce que le tigre était l'emblème des rois tamouls du Moyen-Âge. Donc il y a une référence au passé historique. Mais aussi parce que le lion est l'emblème des Cingalais. Le mot Cingalais signifie les gens du lion. Et le lion figure, il n'y a jamais eu de lion à Sri Lanka. Mais c'est pas grave, le lion, c'est le symbole de la force et de la... Et le lion figure sur le drapeau sri lankais. Et donc, s'identifier autour de l'image du tigre, c'était évidemment une façon de se démarquer complètement de l'identité sri lankaise telle qu'elle était définie par les Cingalais. Donc ce mouvement qu'on a appelé par la suite le mouvement des tigres, Tigre de libération de l'Ilan Tamoul, alors, l'acronyme en anglais, c'est LTTE, donc vous voyez quelquefois cet acronyme, LTTE, Liberation Tigers of Tamil Elam, est devenu le groupe dominant qui a exterminé, dans une première phase, les groupes concurrents. Prabhakaran a employé des méthodes extrêmement violentes pour éliminer tous ses concurrents. Il y a eu des massacres à l'intérieur même de l'île. Il y en a eu également en émigration à Madras. Et à partir de 1987, Prabhakaran et les Tigres étaient devenus le groupe, le porte-parole exclusif de la revendication armée tamoule. Face à cette situation qui faisait des Tigres une organisation de plus en plus puissante, le gouvernement sri-lankais a employé la méthode violente qui a consisté à bombarder Jaffna. Donc les avions de l'armée sri-lankaise ont commencé à bombarder Jaffna au mois de juin 1987, et ce bombardement de Jaffna ont déclenché une réaction de l'Inde. En effet, l'Inde à l'époque, qui était... une Inde dirigée par Rajiv Gandhi, le fils d'Indira Gandhi, donc de la famille Nehru. Le gouvernement central indien avait besoin de l'appui des Tamouls du Sud pour les questions d'équilibre politique interne, et donc a pris fait et cause pour les Tamouls, et a donc contraint le gouvernement sri-lankais à retirer ses avions, à arrêter les bombardements, et a accepté une médiation armée indienne. Donc l'Inde, à l'époque, a envoyé un corps expéditionnaire, en juillet 87, qui a occupé Jaffna et la partie est de l'île, avec, disons, le projet affiché de protéger les minorités tamoules sri-lankaises contre la répression exercée par le gouvernement de Colombo. Mais cette armée d'intervention, d'abord, ne savait absolument pas le tamoul, ça a été composé de Sikhs d'Inde du Nord, mais en plus a commencé à se comporter un peu comme une armée d'occupation, et les Tigres, qui étaient une organisation qui se voulait vraiment la seule représentative, a commencé à prendre ses distances par rapport aux Indiens. Initialement, le gouvernement indien avait aidé les Tigres, en particulier avait ouvert des camps d'entraînement clandestins pour les Tigres en territoire indien. Et c'est là que les Tigres avaient appris un certain nombre de méthodes de lutte, notamment homme-grenouille, attaque à la voiture bélier, des choses comme ça, qu'on apprend dans ce genre de camps clandestins. Mais les Indiens pensaient pouvoir contrôler les Tigres, ils n'ont pas pu les contrôler, et les Tigres se sont retournés contre l'armée indienne. Ils ont commencé à commettre des attentats contre l'armée indienne s'est mise à réprimer les populations soupçonnées d'être les soutiens des tigres. Et la chose est devenue tellement difficile pour les Indiens qu'en 1990, au bout de 3 ans, ils ont retiré leurs troupes. Et retirant leurs troupes, ils ont laissé le champ libre aux tigres. De sorte qu'entre 1990 et 1995, les tigres ont contrôlé toute la péninsule de Jaffna et une bonne partie de la côte est, et en ont fait une zone libérée, si vous voulez, enfin une zone sous leur contrôle. Donc Jaffna et toute la partie est s'est trouvée sous le contrôle des tigres, avec mise en place d'une administration, d'une police, d'une justice, et d'un régime de parti unique, et des méthodes parfaitement dictatoriales exercées par Prabhakara. De sorte que, durant cette période-là, une partie de la population tamoule a commencé à prendre ses distances par rapport au mouvement DLTTE. Ça a été le cas en particulier d'intellectuels organisés autour de l'université de Jaffna, qui ont été carrément exterminés par le leadership tigre à ce moment-là, en 91-92. Alors, en 95, à la suite de l'assassinat du président de Sri Lanka par les tigres, une nouvelle présidente a été élue, Madame Chandrika Kumaratunga, qui s'est lancée dans un projet de négociation. Donc pour la première fois, il y a eu une tentative de négociation entre le gouvernement de Colombo et les Tigres qui tenaient le territoire du Nord. Cette négociation n'a duré que 2 mois. Elle s'est... ni l'une ni l'autre partie n'était prête à faire les moindres concessions, en fait. Et donc les Tigres ont recommencé la lutte. Et ils ont été peu à peu chassés de la péninsule de Jaffna par l'armée régulière de Colombo. Donc ils ont perdu le contrôle du nord de Jaffna. À partir de l'année 96, à peu près, 95-96. Alors à la suite de cette perte de contrôle, les Tigres ont ont entraîné avec eux une bonne partie de la population vers le sud, vers la région de Vani, qui est ici, qui contrôlait. Et donc, il y a eu un exode massif de 200 à 300 000 personnes qui ont suivi les Tigres pour aller s'installer dans cette zone-là. La péninsule de Jaffna repassant sous contrôle de Colombo après énormément de destruction. Les Tigres, à ce moment-là, disposaient, dans cette zone de jungle, d'une force militaire considérable, aussi bien au point de vue équipement armé qu'au point de vue approvisionnement par les ports ici. Et ils en sont constitués, ils avaient des moyens financiers énormes, ils se sont constitués grâce à la diaspora, où il y avait un impôt révolutionnaire qui était prélevé sur les diasporas, 10% sur tous les commerçants, etc. Et puis tous les ans, on faisait une grande fête le jour des héros et on demandait aux gens de participer, de donner leur contribution à la cause, en diaspora, y compris à Paris. Donc les Tigres étaient à la tête de moyens financiers considérables, de moyens aussi de capacités techniques énormes. Donc ils se sont constitués une flotte d'une dizaine de navires qui faisaient le commerce des armes, mais aussi des bois précieux, de la drogue, tout ce qu'on pouvait commercer avec la Thaïlande, la Birmanie, mais aussi avec l'Afrique orientale. Et ils sont devenus une véritable puissance maritime. Ils ont pu ainsi s'approvisionner en armes. Ils ont même construit des hélicoptères, des petits avions, et ils se sont mis également à multiplier les attentats, y compris et notamment à Colombo. L'armée a été pratiquement débordé à ce moment-là. Et le gouvernement s'est résigné en 2002 à signer une trêve qui a été signée sous les auspices de la Norvège, qui est intervenue en tant que médiateur. Et donc une trêve a été signée entre l'organisation d'éthique et le gouvernement, trêve qui a duré jusqu'en 2006. Donc pendant 4 ans, la guerre s'est arrêtée. Les tigres se sont vus reconnaître une quasi-légitimité dans cette zone-là. Ils ont fait de Kilinochi leur capitale. Ils ont ouvert à Kilinochi des bureaux, qui étaient des bureaux où les ONG étaient très présentes. Les ONG nordiques étaient établies là-bas. Ils ont créé des hôpitaux, ils ont créé des orphelinats. Ils ont créé, puisqu'il y a eu à cette époque-là le tsunami, si vous vous souvenez, à Noël 2004, oui. Donc ils ont créé des organisations d'entraide qui ont eu beaucoup d'argent de la part des diasporas. Et donc on avait le sentiment que les tigres s'acheminaient peu à peu vers la constitution d'un quasi-État, un petit peu ce qui s'est passé à Timor-Est. Donc dans cette même région du monde, un micro-État, parce que c'est quand même tout petit, mais un État qui se serait vu reconnaître à terme une sorte de reconnaissance internationale. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque il y a eu une conjonction, en fait, entre la montée chez les Singhalais d'un mouvement, qu'on pourrait qualifier de mouvement de faucon qui a voulu reprendre la guerre, et du côté des tigres, la mentalité, enfin l'approche purement militariste du chef des tigres, Prabhakaran, qui a fait qu'il n'a fait aucun pas vers une solution qui aurait amené des civils et des gens plus modérés, disons, en place à Kilinochi. Donc cette conjonction a fait que lors des élections qui se sont déroulées, les élections présidentielles qui se sont déroulées en 2006, bien, les Tigres ont donné l'ordre aux Tamouls de s'abstenir, ce qui a permis au candidat singhalais le plus extrémiste de l'emporter. Il y avait 2 candidats singhalais, l'un qui était pour la poursuite de la trêve et l'autre qui était pour la reprise de la guerre. Celui qui était pour la poursuite de la trêve aurait gagné, en fait il avait 49% à peu près des voix, si les Tamouls avaient voté, ou une partie au moins des Tamouls avaient voté pour lui. Or il y a eu 2% de votants dans la communauté tamoule suite à l'ordre donné par les Tigres de s'abstenir. Et donc c'est le candidat le plus extrémiste qui l'a emporté, et donc la guerre a redémarré en 2006. Et cette guerre a été gagnée entre 2006 et 2009 par l'armée gouvernementale. Donc là, on va revenir un petit peu sur ces cartes qui vont vous montrer le... Voilà. Donc l'armée gouvernementale a progressé et a enfermé les 200 000 personnes qui avaient suivi les tigres et qui s'étaient installés dans cette région-là, les a repoussés sur une étroite bande côtière entre mars et mai 2009, dans laquelle, disons, les conditions étaient absolument épouvantables. L'armée avait constitué officiellement des zones de refuge où elle annonçait qu'elle ne tirerait pas. En fait, l'armée serait en train de tirer sur ces zones, d'autant plus que les tigres s'étaient installés dans ces zones et tiraient sur l'armée gouvernementale. Bon, les tigres ont utilisé cette population civile qui était venue avec elle comme bouclier humain, et l'armée sri lankaise a écrasé, dans des conditions épouvantables, cette rébellion. Bon, les chiffres officiels gouvernementaux parlent de 7 000 à 8 000 morts. Les ONG parlent de 40 000 morts. Bon, je ne sais pas où se situe, on ne saura jamais. Mais ce qui est clair, c'est que l'ensemble du leadership tigre a été exécuté et des familles entières ont été exterminées dans cette zone-là. Donc ça, c'est mai 2009. Alors maintenant, je vais vous dire deux mots de la situation depuis mai 2009. Comment est-ce que les Tamouls sont arrivés à sortir de ce drame absolu? Alors, depuis mai 2009, le mouvement Tigre, en tant que tel, a disparu de l'île, complètement disparu. L'ensemble des leaders est mort, sauf ceux qui se sont rendus et qui ont été épargnés. Il y en a 4 ou 5. En particulier, l'armée s'est arrangée pour récupérer le chef des services financiers des Tigres, et de façon à mettre la main sur le trésor des Tigres. Et donc à retourner ce personnage qui est devenu un personnage semi-officiel dans l'État. Et d'autre part, les Tigres qui dominaient la partie est de l'île ont été très tôt attirés par le gouvernement qui est arrivé à séparer les Tigres du Nord de ceux de l'Est. Et ça a été un des facteurs de la défaite militaire de cette organisation, puisque les Tigres de l'Est ont finalement fait cause commune avec l'armée gouvernementale contre ceux du Nord. Donc il y a eu une scission extrêmement grave à l'intérieur du mouvement séparatiste. Et donc le résultat de tout ça, c'est que ceux qui avaient survécu à ce drame final ont été enfermés par l'armée dans des camps pendant un an et demi. Dans des camps qui étaient des camps qui ont hébergé, si je puis dire, jusqu'à 250 000 personnes. Ces camps étaient des camps de tri, dans le sens que les Tamouls qui étaient venus du côté du gouvernement ont été utilisés comme informateurs pour repérer tous ceux qui étaient suspects d'avoir été engagés dans le mouvement Tigre. Et donc ces gens-là ont été envoyés dans d'autres camps, et certains y sont encore. Les civils, ceux qui étaient moins suspects, ont été libérés au bout d'un an et demi, et sont rentrés dans la péninsule de Jaffna et sur les zones côtières, mais ils ont retrouvé assez souvent leurs terres appropriées par l'armée. Et donc là, il y a un problème très grave qui s'est posé entre 2011 et 2015, puisque l'armée, en fait, s'était approprié toutes les terres que les Tigres avaient contrôlées et avait commencé à y faire venir des colons singalais. Alors, ce mouvement, qui a pris beaucoup d'ampleur, a été stoppé net en janvier 2015, donc l'année dernière, par les résultats des élections présidentielles. Donc là, je dois faire un tout petit retour en arrière, mais je ne vais quand même pas être trop long. Le président qui avait été élu en 2006, et qui avait repris le combat, qui s'appelle Rajapaksa, s'est comporté, après la victoire, comme une sorte de héros national singalais, et a multiplié les atteintes aux libertés publiques, les journalistes, tous les dissidents, enfin tous les gens qui ne pensaient pas comme lui. Puis il a multiplié des groupuscules qui se sont mis à enlever, à faire des enlèvements en plein jour, des tortures, très souvent en utilisant les Tamouls qui s'étaient ralliés à l'armée gouvernementale. Et ça a pris une telle ampleur que Sri Lanka est devenu un de ces pays qui était en train de dériver vers une dictature. Mais la tradition démocratique est quand même fortement ancrée, notamment chez les Singalais. Et au cours de l'année 2014, ce président qui prétendait pouvoir se représenter une troisième fois aux élections présidentielles en faisant changer la Constitution, c'est une pratique qu'on rencontre dans un certain nombre de pays, eh bien s'est fait battre aux élections. Il s'est fait battre aux élections en janvier 2015, au grand étonnement de beaucoup d'observateurs locaux qui ne pensaient pas que ça pourrait se produire. Il a été battu d'assez justesse. Il semble avoir été tenté de faire un coup d'État pour se maintenir au pouvoir, en faisant, disons, casser les élections, mais il n'a pas été suivi par l'armée, il n'a pas été suivi par le responsable du système électoral, il n'a pas été suivi par le Chief Justice, donc c'est pas le ministre de la Justice, puisque c'est un système à l'anglaise, donc c'est le chef des services juridiques, et donc il a dû reconnaître sa défaite. Alors, face à lui, se présentait un homme qui était issu du même parti que lui, mais qui avait axé sa campagne sur le retour à l'état de droit et sur une réconciliation avec la minorité tamoule. Donc les Tamouls ont voté cette fois-ci, ils ont voté à 80%. Là, les élections à Sri Lanka, c'est des scores qui sont de l'ordre de 70 à 80% de participation, y compris chez les Tamouls. Et ils ont voté pour Sirisena, donc ce candidat singhalais, mais qui avait un programme qui était à l'opposé de celui de son adversaire, Rajapaksa. Les élections présidentielles de janvier ont été suivies par des élections législatives au mois d'août de l'année dernière, qui ont confirmé les résultats de l'élection de janvier. Et ces élections, eh bien, ont donné dans les régions tamoules la majorité, et donc la totalité pratiquement des sièges, à des candidats qui se réclament de l'ancien parti fédéral, ou qui a changé de nom à de très nombreuses reprises, qui ont rejeté toute revendication séparatiste, mais qui restent sur une ligne de demande d'un système d'autonomie pour les régions tamoules. Entre-temps, le tamoul est redevenu langue nationale et officielle. Donc aujourd'hui, il y a trois langues officielles au Sri Lanka: le singhalais, le tamoul et l'anglais. Ça ne veut pas dire que les documents officiels soient toujours dans les trois langues. Mais de plus en plus, enfin, je l'ai constaté en y passant un mois, de plus en plus, le tamoul a repris un véritable droit de cité dans le pays. Alors, ceci dit, la revendication tamoule, je pense qu'elle est restée entière, dans la mesure où le système majoritaire ne permet pas une représentation au centre, disons, suffisante de la minorité tamoule. Alors, l'actuel gouvernement comprend des tamouls, mais ne comprend pas de membres de ce parti fédéral. Alors, le parti fédéral, généralement, vote pour le gouvernement ou s'abstient au Parlement. Bon, c'est, de toute façon, ça fait pas longtemps. C'est depuis le mois d'août, en fait, que ce système est en place. Il y a toujours des risques de scission à l'intérieur de ce parti. Et face à ce parti, une autre organisation qui se réclamait, elle, du combat des tigres, avait présenté des candidats, mais aucun n'a été élu. Ils ont obtenu un très très faible score. Bon, donc en fait, cette région tamoule est une région qui est en reconstruction, qui bénéficie alors d'une infrastructure tout à fait nouvelle. Pour vous donner juste un exemple, le chemin de fer qui permet d'aller de Colombo à Jaffna était interrompu depuis 1983. Il a été reconstruit avec l'aide indienne et il circule de nouveau, ainsi que des routes. Et donc les deux parties d'île sont maintenant complètement reliées. Donc il n'y a plus aucun barrage de l'armée, par exemple, sur cette ligne qui, pendant 30 ans, a été en fait. Les relations étaient pratiquement interrompues. les échanges économiques entre le Nord et le Sud ont repris. Et alors, ceux qui restent finalement les plus grands défenseurs d'une idée séparatiste, ce sont les Tamouls de la diaspora, ce sont les Tamouls établis à l'étranger. Alors, la situation est là aussi assez complexe. En fait, au moment de l'écrasement de la rébellion tamoule, il y a eu une très forte mobilisation, vous avez peut-être vu, je pense qu'il y a même à Rennes, il y a dû avoir des manifestations, notamment à l'occasion des manifestations du 1er mai. Parce que les Tamouls sont toujours très présents dans les défilés du 1er mai. Donc il y a eu beaucoup de manifestations. Et puis, disons que la plupart des Tamouls de la diaspora, au début, n'ont pas cru à la défaite. Ils ont pensé que la plupart des chefs s'étaient échappés par la mer et qu'ils allaient reprendre le combat. Bon, il a fallu pratiquement 6 mois pour qu'ils prennent conscience que vraiment... ils étaient battus, et donc il y a eu constitution d'un gouvernement tamoul en exil qui existe toujours mais qui n'a pas beaucoup d'audience à l'intérieur de l'île. Alors en diaspora il en a davantage. Je vais essayer de vous trouver si j'arrive à sortir de ce je vais vous montrer avant de passer à ça, je vais vous montrer les résultats des élections. Ça, vous verrez. Les résultats des élections. Alors, ça vient ou ça vient pas? Bon. C'est le PDF que vous voulez voir? Non, c'est pas. Oui, enfin, c'est un PDF, effectivement. Un document PDF, et j'arrive pas à l'avoir. Vous arrivez à me le. Il arrive dans un coin, là, mais je voudrais le. Je vais en récupérer celui-là. Voilà, si on peut le déplacer. Voilà. Oui, voilà. C'est bon ? Oui, d'accord. Donc là, on voit les résultats des élections. Et donc, vous voyez que les zones qui sont en sombre sont les zones où l'ancien président a obtenu la majorité. Mais donc le nouveau président a remporté les élections dans les régions tamoules au nord, dans les régions tamoules de l'est, dans le centre où les tamoules des plantations sont nombreux, et à Colombo. Voilà, donc ça vous donne une idée de la géographie politique actuelle de l'île. Et donc, je voudrais maintenant passer à quelque chose qui n'est pas les cartes. Alors, voilà. Quelques votes en actualité. Ça veut bien s'ouvrir. Donc, pour en venir à ce gouvernement tamoul en exil, ce gouvernement tamoul en exil continue. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour vous montrer ce que l'armée a fait dans les régions tamoules. Ils ont construit des hôtels sur les zones où les Tamouls avaient été écrasés. En particulier, là, vous voyez l'ancien président en train de planter un arbre symbolique, l'arbre de la Bodhi, qui est le symbole des bouddhistes, dans cet hôtel qui a été véritablement construit à l'endroit où les Tamouls ont été exterminés. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de trouver autre chose, je vais vous montrer. Bon, j'ai un petit peu de mal à fonctionner avec cet appareil. Voilà, je vais vous montrer quelques photos de Jaffna et également Voilà, voilà le logo du gouvernement Taboul en exil, qui est établi en fait au Canada. Si ça veut bien venir. Bon. Écoutez, on verra si ça vient, ça viendra. Voilà, donc aujourd'hui, la revendication tamoule, elle est portée par les tamouls en exil, très largement. Elle s'exprime à travers une presse qui reste très très dynamique. Alors une presse sur Internet, notamment une presse en langue tamoule, mais aussi une presse en langue anglaise. L'organe principal s'appelle TamilNet. Elle s'exprime à travers une production littéraire extrêmement riche, notamment en France, mais en langue tamoule, donc qui n'est pas accessible, qui ne vous est pas accessible, mais qui est extrêmement intéressante. Et cette revendication, elle s'exprime également à travers des formes artistiques comme la danse, beaucoup plus la danse que la musique. Les tamouls ne sont pas, les tamouls de Sri Lanka ne sont pas spécialement musiciens, mais il y a une tradition de danse qu'on appelle le Bharatanatyam, la danse d'Inde du Sud, qui est pratiquée, disons, toutes les jeunes filles des Tamouls de la diaspora suivent des cours de Bharatanatyam. Bon, l'identité, elle est aussi préservée à travers des manifestations de type religieux. En ce qui concerne les hindous, il y a notamment autour du culte de la déesse et du culte de Ganesh, des pratiques dans des temples qui sont établis un peu partout en diaspora, y compris à Paris. Elle s'exprime également à travers des activités politiques, puisque un certain nombre d'organisations qui étaient initialement liées au Tigre, qui sont devenues bon, un petit peu autonomes, bon, à mesure que le Tigre n'existe plus en tant que tel, comme la Maison du Tamil Nadu à Paris, font élire des conseillers municipaux dans un nombre de communes de banlieue de Paris où il y a beaucoup de tamouls, et on crée une sorte de lobby à l'Assemblée nationale. Bon, alors ce qui existe en petit en France existe en grand au Canada, parce que alors, pour vous donner une sorte d'image géographique de la diaspora tamoule, la plus grande ville tamoule sri-lankaise du monde maintenant, c'est Toronto, où il y a une communauté extrêmement importante, hein, de probablement une centaine de milliers de tamouls. Les autres grands centres sont la banlieue de Londres, la banlieue est de Londres, la banlieue nord de Paris, l'Allemagne, avec des concentrations dans la Ruhr, un petit peu la Hollande, la Norvège et la Suède, qui ont accueilli beaucoup de tamouls dans les années 90. La Suisse également. Et aux États-Unis, il y a quelques tamouls, mais ce n'est pas très important, c'est quand même surtout le Canada. Et donc Singapour et l'Australie. Voilà, alors donc ça, ce sont les principaux pôles de la diaspora tamoule. Et cette diaspora, elle est organisée donc politiquement, mais beaucoup moins bien, entre guillemets, qu'il y a une dizaine d'années. Mais, et là je reviens sur la langue, ça va vous intéresser, parce que vous êtes quand même, c'est au cœur de vos préoccupations. Les Tamouls ont organisé des écoles de langue tamoule qui ont un cursus unique à l'échelle de l'ensemble du monde. Ça s'appelle les Tamil Cholai. Et ces écoles qui ont donc des manuels et un cursus unique sont des écoles du soir ou des écoles du dimanche. Bon, il n'y a pas d'école, il n'y a pratiquement pas d'école en tamoul, en diaspora, qui n'enseigne que le tamoul. Les tamouls envoient toujours leurs enfants dans les écoles anglaises, quand ils le peuvent, dans les écoles françaises en France, mais en plus, il y a des cours du soir, il y a des cours du samedi après-midi, il y a des cours du dimanche, qui sont des cours de langue tamoul, et c'est là que vraiment la communauté se retrouve et se resserre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. Oui, je ne vais pas parler du cinéma. C'est quand même une grosse lacune. Le cinéma de langue tamoule est un cinéma qui est produit à Madras, qui est produit en Inde du Sud, qui est pratiquement aussi riche en nombre de films que le cinéma de Bollywood que vous connaissez, qui est produit à Bombay. Donc on parle de Collywood pour ce cinéma, parce que le faubourg de Madras où il est produit s'appelle Kolla. Et donc ce cinéma est produit en Inde, il n'est donc pas un cinéma sri-lankais, mais à Sri Lanka, il existe une tradition très ancienne de cinéma et aussi une tradition de théâtre et qui était largement dominée par les Singhalais, mais par des Singhalais libéraux et qui ont toujours beaucoup représenté cette revendication et ces luttes tamoules. Bon, les Singhalais ne sont pas tous loin de là des anti-tamoules. Hein. Il y a une très forte proportion, en tout cas de l'intelligentsia singhalaise, qui est extrêmement ouverte à la culture tamoule. Et donc, ce cinéma s'est développé, et il a produit un film il y a beaucoup de films qui ont été produits par ce cinéma, qui est plutôt du style art et essai. Il y en a un qui est passé en France, mais bon, qui n'est pas paru très longtemps à l'affiche, qui s'appelle Ini Avan, ce qui veut dire « celui qui revient ». Celui qui est de retour, c'est l'histoire d'un tigre qui revient dans son village après le retour à la paix. Et c'est un film qui est sous-titré en français, que si ça vous intéresse, vous pouvez demander, hein, qui est un film de qualité. Il a été tourné par des acteurs tamouls de Jaffna, à Jaffna, mais sous la direction d'un cinéaste, d'un réalisateur singhalais. Et il y a un autre film qui a fait parler de lui, mais qui n'a pas du tout été tourné par un cinéaste sri-lankais, c'est Dipan qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes en dernier. Dipan, c'est un nom tamoul. Et dans ce film Dipan, qui a été tourné dans des conditions un petit peu acrobatiques, qui n'est pas, à mon avis, un excellent film, mais donc le personnage de Dipan, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vu, non, il passe encore quelquefois. Le personnage principal, qui est le personnage d'un tigre qui a quitté l'île, qui est parti en émigration avec une famille inventée, en fait. Enfin, il est parti en émigration avec une femme et un enfant qui ne sont ni sa femme ni son enfant, et qui se retrouve dans la banlieue parisienne affrontée à une situation dans un HLM pourri, enfin, vous voyez, avec beaucoup de violence. Ce film d'Ipan, ce qui m'intéresse dans le film, plus que la qualité du scénario, qui est à mon avis pas génial, c'est le personnage qui a été le personnage de Dipan, qui a été joué par un tamoul de la diaspora établi en France, qui est un poète très célèbre dans la petite communauté tamoule, qui est connu sous un autre nom d'ailleurs, de Shobha Shakti, que le nom qui lui est donné dans le film, et qui joue remarquablement bien. Bon, donc si vous avez l'occasion, allez voir quand même ce film Dipan. Voilà, je ferme ma parenthèse. Merci beaucoup. Merci. Qui veut commencer les questions? Je pense que Raphaël, effectivement. Oui, peut-être une question sur la question des crimes de guerre, en fait. Oui. L'enquête qui a été diligentée par les Nations Unies, mais c'est heurté à de très nombreux obstacles. Est-ce que vous pouvez faire un point sur cette question? Oui, effectivement, je n'en ai pas parlé. Alors, les crimes de guerre ont été documentés par des observateurs très peu nombreux sur place au moment de la... On parle de la dernière phase du conflit. Hein, parce que des crimes de guerre, il y en a eu avant. Mais disons que ça s'est focalisé sur cette période qui va de janvier à mai 2009. Les crimes de guerre, il y a eu peu de témoins directs étrangers dans la mesure où le gouvernement sri-lankais avait chassé absolument toutes les ONG de la zone de conflit et n'avait laissé continuer à agir que la Croix-Rouge. Donc les seuls témoins, c'est ce sont les gens de la Croix-Rouge qui, comme vous le savez peut-être, sont tenus à un devoir de réserve extrême. Donc il est très difficile d'obtenir un témoignage de membres de la Croix-Rouge en raison même de leur statut. Alors, il y a eu un certain nombre de, disons, de témoignages qui viennent... Il y a eu un certain nombre de témoignages qui ont été produits par des membres des forces armées qui, avec leur téléphone portable, ont filmé un certain nombre d'atrocités qu'ils commettaient eux-mêmes ou que leurs voisins commettaient. Et ces petits films ont été montés ensuite par la BBC, par le Channel 4, et ont été présentés, sont encore présentés régulièrement, sous le titre « The Killing Fields ». Et naturellement, ces films ont été contestés par le gouvernement sri lankais de l'époque, qui ont dit que ça avait été trafiqué, etc. Mais bon, d'après moi, je les ai vus, je pense qu'ils sont très largement authentiques, même s'il y a peut-être quelques montages un peu douteux, mais ils sont très largement authentiques. Donc là, les atrocités commises par les soldats avec la. Sont l'appui, le soutien, l'encouragement de leur chef est incontestable. Alors, l'ONU a été a gardé un profil très bas pendant la période février à mai. Ban Ki-moon avait essayé d'intervenir, de poser une médiation, d'ailleurs la Grande-Bretagne et la France également, au cours des dernières semaines du combat, et s'est vu complètement barré par la position au Conseil de sécurité de la Russie, de la Chine, et je ne sais pas quels étaient les membres non permanents du Conseil à l'époque, mais qui ont opposé leur veto à toute enquête de l'ONU. Et Ban Ki-moon n'a pas maintenu sa position. Donc, lors de la réunion à Genève de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui se réunit tous les ans pour évaluer la situation des droits de l'homme dans un nombre de pays, le gouvernement Sri Lanka a défendu la thèse d'après laquelle la fin de la guerre était une opération humanitaire qui consistait à libérer les Tamouls de l'emprise des Tigres. Et il est arrivé à faire passer ce message, de sorte qu'il n'y a eu aucune enquête menée sur le moment. Mais après coup, après quelques mois, disons que sous la pression d'un certain nombre d'ONG comme Human Rights Watch, les choses ont commencé à sortir, l'information a commencé à sortir, et l'ONU a commissionné un juriste indonésien qui s'appelle Darusman pour faire une première enquête qui avait un caractère officieux, pas une enquête officielle des Nations Unies. Et ce rapport Darusman, qui est paru donc en 2011, je pense, la plupart de ces rapports sont parus en 2011, a pointé un certain nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis d'ailleurs aussi bien par les Tigres que par le gouvernement, enfin que par l'armée gouvernementale. Alors, à la suite de ce rapport, le gouvernement sri-lankais a décidé de réagir en produisant son propre rapport, qui s'appelle le rapport de la LLRC, Lesson Learned and Reconciliation Committee, quelque chose comme ça. Ce rapport de la LLRC a été fait par des gens qui étaient assez proches du gouvernement, mais qui n'étaient pas complètement à sa botte. Et quand on le lit de près, on s'aperçoit que même s'il exonère pour l'essentiel les chefs de l'armée de toute responsabilité, ils pointent les atteintes aux droits de l'homme incontestables. Donc le rapport de l'ERC n'a pas du tout exonéré le gouvernement de ces accusations. Alors, à la suite de ces deux rapports et de quelques autres, parce qu'ensuite l'ONU a fait un rapport autocritique dans lequel il a reconnu qu'il s'était trompé au cours du printemps 2009 dans la façon dont il avait apprécié la situation en Sri Lanka. Donc il y a un rapport autocritique extrêmement important, ça s'appelle le rapport Petri, qui a été publié par les Nations Unies. Donc à la suite de tous ces rapports, la question de Sri Lanka est revenue à l'ordre du jour à Genève de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et Sri Lanka a été condamné. Disons que en 2014, Sri Lanka a été, la Commission des droits de l'homme a décidé de lancer sa propre enquête et d'engager un processus de dénonciation de crimes de guerre. Bon, on n'est pas dans la logique du tribunal pénal international, dans la mesure où Sri Lanka n'est pas signataire de la Convention de Rome, et que donc ne se considère pas comme... Bon, le pays n'est pas censé pouvoir être... Les dirigeants du pays ou les anciens dirigeants du pays ne sont pas censés pouvoir être traduits devant le tribunal pénal international. Mais néanmoins, l'image de Sri Lanka à l'échelle internationale s'est considérablement dégradée. Et c'est face à cette dégradation qu'il y a eu une réaction à l'intérieur du pays et que les élections de janvier sont les élections qui ont amené au pouvoir une équipe qui a eu pour premier objectif d'engager un débat, d'abord de permettre à des envoyés des Nations Unies de mener une enquête sur place, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et tout en protégeant, dans une certaine mesure, les chefs de son armée, disons que le pays s'est ouvert à une possibilité d'enquête internationale. Alors voilà où en sont les choses. Ça n'a pas avancé beaucoup, mais disons que Sri Lanka n'est plus... D'abord, n'est plus dans ce groupe de pays qui sont avec l'Iran, la Russie, la Chine, disons, prétifs à toute intervention étrangère. Voilà. Ah oui, ça, c'est... Alors, là, vous avez l'emblème du gouvernement Tamoul en exil. Alors vous voyez qu'il revendique quand même la plupart des côtes de l'île. Ce qui est en rouge, c'est vraiment toutes les régions, y compris des régions qui effectivement n'étaient pas du tout sous contrôle. Hein. C'est les régions qui étaient véritablement sous contrôle des TICS, c'est des régions du nord ici et un peu de l'est. Voilà, donc ça c'est le... Mais bon, c'est une revendication qui ne correspond pas à grand-chose aujourd'hui. Il y a plein d'images qui sont, je ne sais pas pourquoi, qui sont interdites, pas le droit de les regarder. Ah bon ? Comme le tuk-tuk, le volet. Ça ne sort pas. Très... Non, c'est comme à chaque fois on a un affichage d'erreur avec. Tiens. Voilà, file. Écoutez, to open file. C'est dommage parce que c'était des photos que j'ai prises. Donc il ne reste pas grand chose. Il reste la maison neuve, là, de Jaffa, de Jaffna, qu'on peut voir à peu près. Oui. Mais, Bon, ça, c'est un exemple de la reconstruction, en fait. Mais on voit pas de... on voit pas grand chose. Ouais. Hein, c'est juste la... Non, et puis il y a juste... qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui est pas... C'est l'affiche bizarre. Électorale, non, vous avez pas... Si, on en a une affiche qui est visible. C'est... Ah, alors, les armes... Affiche, armes interdites. Celle-là, si celle-là, on peut la voir. Celle-là, on peut la voir. Ouais. Affiche JVP. Bon, ouais. Ça, c'est un petit groupe marxiste qui est actif, qui s'est présenté aux élections à Jaffna... au mois d'août, mais qui n'a pas eu beaucoup de voix. Ah oui, c'est un parti autonomiste, quoi. C'est un parti, plutôt marxiste, mais pas spécialement autonomiste. Hein. D'accord. En revanche, c'est dommage que l'autre... Alors, l'affiche électorale Jaffna, peut-être ouais. Que ça va marcher. On va voir si c'est un peu l'ouvrir. Ouais, bon, bizarre. Je peux... Voilà. J'ai répondu c'est un peu à votre question. Sur la question de l'affiche électorale. Il y a eu un certain nombre de militaires qui ont été assassinés à un moment. Oui, alors il y a des militaires. Est-ce qu'il y a une enquête, quelque chose qui a progressé? Oui, alors l'enquête a progressé. On sait maintenant qui est responsable de l'assassinat. sont des humanitaires d'Action contre la faim, qui étaient à Trincomalee, dans l'est de l'île. Et ça, ça remonte à 2006, je pense. 2006. Oui, maintenant on le sait, et y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Oui, ça c'est une affiche électorale du mois d'août, du mois d'août de l'an dernier, qui montre la colombe de la paix qui a la clé de la paix entre les dans le bec, mais la population est encore enfermée sous dans contrôle, la cage. Quoi. Sous contrôle, et là vous avez un politicien qui annonce qu'il va, il va libérer le peuple qui est encore dans la cage. Et là c'est l'écriture tamoule, là. Ah, ça c'est l'écriture tamoule, oui. Uh-huh. Qui ressemble à aucune autre ou qui est plutôt cyrillique ou c'est comment? Ah non, pas du non, tout. C'est pas du tout. Ah, pas du tout. L'écriture tamoule, c'est une écriture. Alors ça ressemble un peu à l'écriture singhalaise. C'est la même base en fait, c'est les écritures syllabiques qui sont dérivées des écritures sanskrites. Donc chaque consonne est figurée et il y a des diacritiques pour figurer les voyelles qui sont avec les consonnes. Mm-hmm. Voilà, donc ça c'est l'écriture tamoule. Alors, je pense vous la verrez dans les boutiques, je ne sais pas s'il y a des boutiques tamoules ici, mais si vous êtes dans le quartier de la Chapelle à Paris, là, allez entre la gare du Nord et le métro La Chapelle, vous avez une rue entière de boutiques tamoules. Ah oui, ça c'est excellent ça. Ça c'est sur les murs d'une, enfin sur le portail d'une maison, une maison particulière à Jaffna, et il y en a beaucoup comme ça, interdit de rentrer avec une arme. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, mais posez cette... vos armes avant d'entrer. Mais comment et ça, c'est très fréquent. Sont sorties de 30 ans de violence, hein, de dictature, on n'en sort pas indemne, d'ailleurs, des règlements de compte, vengeances. Il y a énormément de règlements de compte, mais il y a surtout la population a beaucoup diminué, parce qu'il y a eu beaucoup d'émigration. Il y a beaucoup plus, il y a pratiquement deux fois plus de femmes et de personnes âgées que d'hommes. Il y a la génération de 25 à 40 ans, elle est en émigration ou elle est exterminée. Donc il y a énormément de femmes seules avec des enfants et de personnes très âgées à Jaffna. Et là, c'est un problème aussi économique, hein, considérable. Mais moi, j'ai constaté, enfin, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à Jaffna, que c'était une capacité d'auto-organisation, un nombre extraordinaire de petits ateliers qui sont développés avec des femmes et qui arrivent à... Bon. Et il y a aussi un redéveloppement de l'agriculture remarquable. La péninsule de Jaffna a pour particularité d'avoir un sol très riche, mais pas d'eau. Et il faut creuser des puits, mais l'eau est à 5-6 mètres de profondeur, l'eau douce est à 5-6 mètres. Et donc il y avait un système de puits avec soit avec des éoliennes, soit avec des systèmes de puisage traditionnels qui existaient avant la guerre, qui a été largement abandonné pendant la période de guerre. Et maintenant que l'armée est en train de restituer les terres à Jaffna aux paysans. Mais c'est tout récent. Enfin, moi, j'ai vu des terres qui ont été restituées il y a deux mois, trois mois. Donc l'irrigation n'est pas encore en place. Mais dès qu'il y a la possibilité de forer un puits ou de se recapter sur un ancien puits, ça redémarre. Et donc une production de légumes, la région de Jaffna est la plus grande productrice de légumes de l'île, d'oignons, de pommes de terre, de toutes sortes de légumes, et qui est exportée dans le reste de l'île largement. Donc il y a des sources de revenus qui reviennent. Donc il y a une reconstruction, et surtout les moyens de transport sont de nouveau tout à fait normaux. Mais bon, les traumatismes psychologiques sont énormes. Il n'y a pas de famille qui n'ait pas perdu... Et en politique, les femmes s'investissent ou pas du tout? Alors, non. Non. Pas beaucoup. Dans le parti principal, il y a... il y a toujours eu des femmes maires de Jaffna, au niveau municipal, un investissement. mais au niveau central, pratiquement pas. Alors, il y a quand même une femme qui a joué un rôle important, qui est la veuve d'un des leaders tigres, qui s'est relancée dans une action politique, disons, assez radicale, qui fait dans les grèves de la faim, enfin, qui est assez connue, et qui a été évidemment harassée par la police et par l'armée jusqu'au début de 2015, mais cette année, pas de problème. Et l'armée est étonnamment absente du paysage. Alors, elle garde le contrôle quand même de zones militaires sur la côte, mais il n'y a plus de barrages, alors qu'avant, pour aller à Jaffna, il fallait passer une dizaine de barrages, y compris les barrages tigres. Quand on est dans la zone tigre, il fallait payer son impôt au passage, la taxe pour les tigres. Donc ça a complètement changé. Le pays est en train de se reconstruire, mais la question, c'est quand même la question de la représentativité politique. Le fait que Colombo... Ça reste fragile, quand même. Hein? Ça reste fragile. Ça reste très fragile. Il suffit qu'une élection... La représentativité politique... Oui, enfin, la capacité des Tamouls à se faire représenter au centre. Localement, bon, la municipalité de Jaffna est purement Tamoul. Bah, bon, localement, les autorités locales sont Tamouls. Hein. Il n'y a pas un seul Sangalais. Il y a un conseil provincial qui est 100% tamoul. Mais quelle est sa capacité de manœuvre par rapport au pouvoir central, c'est ça le problème. Tant qu'il n'y a pas un régime de type fédéral, la voix des tamouls ne peut pas se faire entendre au centre. Donc c'est le problème. Mais d'après ce que vous disiez, quand même, ils ont eu un poids électoral là, dans les dernières élections, dans la mesure où ils étaient... Ils sont capables, voilà. Ils sont capables de faire basculer les résultats dans la mesure où les Sénégalais sont très divisés. Et donc, les Tamouls et les musulmans, qui ont voté également pour le nouveau président, ont fait basculer parce que les excès des bouddhistes militants attachés au président précédent étaient tellement flagrants que les gens, les minorités, ont tous voté contre le président précédent. Oui, j'avais une image que j'ai passée un peu vite tout à l'heure d'un moine bouddhiste à la tête d'une bande de Nervi habillé en noir. C'est un mouvement qui s'appelle la puissance de la force bouddhique. Vous voyez, ce sont des fascistes, celle-là. Bouddhistes. Ouais, voilà. Ça, c'est très. C'est une image qui diffuse eux-mêmes. Hein. Donc en singalais. Alors, vous voyez les caractères singalais, ils sont un petit peu différents, les caractères tamouls. Ils sont beaucoup plus arrondis. Oui. Et donc ça veut dire là-haut, Bodhu Bala Sena. Alors la Sena, c'est l'armée de la force bouddhique. Et le petit drapeau qui tourne là-haut, enfin la petite assiette qui tourne, sont les couleurs du bouddhisme. Mais d'habitude, c'est présenté sous la forme d'un drapeau avec des bandes, et là, il le présente sous la forme d'une roue qui tourne. Bon, donc, il y a cette idée de violence qui est très présente. Et donc, vous voyez ce moine très, très content de lui-même avec sa bande de Nervi derrière lui. Comment on peut être moine et... Voilà, ça, c'est une grande question. Et violent. Comment peut-on être moine et violent? Ouais. Je pense qu'on peut poser la question, pas seulement pour le bouddhisme. Ah bah, pour toutes les religions. Pour toutes les religions. Mais c'est sûr que le bouddhisme affiche tellement sa non-violence que... Bon. On défend l'identité bouddhique menacée. Alors, il faut avoir à l'esprit que le bouddhisme est une religion qui est en recul, qui a été en recul... dans l'espace sud-asiatique, puisqu'il n'y a pratiquement plus de bouddhistes en Inde. Le bouddhisme est né en Inde. En Inde, les bouddhistes, c'est soit les Tibétains, qui ne sont pas des Indiens, soit des intouchables indiens qui sont reconvertis au bouddhisme. Ça représente trois fois rien. Donc, le bouddhisme s'est maintenu en Birmanie, en Thaïlande, Tibet. Même chose. C'est exactement la même chose. Mais d'ailleurs, il y a des connexions entre Sri Lanka et la Birmanie. Donc en Birmanie, effectivement, le mouvement anti-musulman. Et donc ces moines-là ont exactement la même ligne. C'est-à-dire qu'ils disent le bouddhisme va disparaître, il faut se défendre, il faut défendre notre identité. Nous sommes une minorité. Hein. Chacun se dit minorité. Hein. Donc nous sommes une minorité par rapport à la majorité des hindous et des musulmans dans l'Asie du Sud. Donc il faut se défendre et voilà. Le Sri Lanka a eu le triste record pendant très longtemps des attentats kamikazes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il était utilisé des deux côtés? Non. Comment était la répartition? Alors les attentats kamikazes ont été lancés par les types. Ça, c'est incontestable. Mais simplement, dans quelques cas, le gouvernement en place a laissé faire des attentats à tigre ou les a éventuellement encouragés en sous-main pour se débarrasser d'adversaires politiques. Donc, comme les tigres ne revendiquaient jamais leurs attentats, il n'y a jamais eu une seule revendication tigre. Ils ont quand même tué le premier ministre indien, Rajiv Gandhi, le président Premadasa de Sri Lanka. Ils ont failli tuer la présidente. Ils ont attaqué la banque centrale de Sri Lanka. Ils ont fait exploser un nombre considérable de voitures de militaires, de généraux et autres. Donc effectivement, ces attentats étaient commis par des militants tamouls, ça c'est incontestable, mais quelquefois manipulés. D'accord. Voilà. Et jamais revendiqués. Ça c'est vraiment une caractéristique. Alors où est-ce que les techniques ont été apprises? En partie à Beyrouth. Parce que dans les années 90, un certain nombre de militants tamouls sont allés s'entraîner dans les camps de Samurai Shatila. Voilà. Donc ensuite, entraînement en Inde, avec la bénédiction des services secrets indiens, qui voulaient affaiblir le gouvernement sri lankais. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus d'attentat suicide. Alors, quand on parle de suicide, il n'y a pas seulement l'attentat suicide, il y a aussi le suicide des militants pris. Il faut savoir que tous les tigres, et parmi eux, il y avait beaucoup de femmes. Oui. Il y avait à peu près un quart des effectifs des militants tigres qui étaient des femmes. Tous les militants portaient à leur cou une capsule de cyanure. Et lorsqu'ils étaient pris, ils avalaient la capsule. Et il y a probablement 2 à 3 000 personnes qui sont mortes comme ça. Il y a des images assez saisissantes de femmes, et notamment de femmes âgées, se faisant exploser dans les foules qui sont assez perturbantes. Je ne sais pas si c'est des femmes vraiment âgées. Celles que j'ai vues, moi. Celles que vous avez vues. De l'âge de grand-mère. Oui. Parce que d'habitude, les femmes qui étaient recrutées par Prabhakaran pour ces tâches étaient très souvent des veuves qui avaient perdu leur mari au combat ou des femmes qui avaient été victimes de violences de la part des soldats de l'armée sri lankaise. Donc, a priori, plutôt des femmes jeunes, mais bon, il est possible qu'il y ait eu des femmes âgées aussi. Moi, je vais vous poser une question sur Là, vous disiez que l'armée se retirait, enfin, qu'elle rendait, qu'elle commençait à rendre. Mais et les colons qui ont été envoyés là? Alors, les colons, c'est dans les zones qui sont des zones marginales. En fait, il n'y a pas eu de colons envoyés à Jaffna, dans la région, qui est la région cœur des tigres. Ils ont plutôt été envoyés dans les zones où ont eu lieu les derniers combats. Et là, en fait, c'est des zones qui étaient très peu peuplées. Elles avaient été peuplées par les gens qui avaient quitté Jaffna avec les tigres, mais ce n'était pas leur terre ancestrale. Et ce n'est pas des zones très fertiles. Donc là, ça, je ne peux pas exactement vous répondre. Mais il est possible quand même qu'il y ait, notamment dans la région est de l'île, encore quelques tentatives pour développer des colonies de peuplement, mais ça prend. Disons que ça ne touche pas Jaffna, ça ne touche pas le nord. C'est vraiment dans la, dans la partie vers Monlatibou, dans la partie. C'est dans cette zone-là, en fait, qu'il y a eu des colonies de peuplement. Mais dans le nord, à Jaffna, il n'y en a pas. Et donc, je ne suis pas allé dans cette région-là. Mais à Jaffna, on voit vraiment les terres qui ont été abandonnées. Et on voit une quantité de maisons détruites. Hein. Et on voit ces terres commencer à être remises en culture. Mais vous avez les bananiers qui sont comme ça. Vous voyez, on commence à replanter. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes aussi sur le plan juridique, parce que le statut de ces terres n'est pas toujours très clair. Dans la mesure où il y a eu 30 ans de guerre, il y a eu des terres qui ont été squattées, il y a des terres, il n'y a plus d'héritiers parce que tout le monde est mort. Enfin, ouais, c'est assez complexe. Mais bon, ça redémarre. Quel rôle on pourrait estimer que l'occupation anglaise, la colonisation anglaise, a eu dans le problème est-ce qu'elle est identifiable? Oui. Alors, c'est une question à tiroir, en fait. Parce que les Anglais, lorsqu'ils ont colonisé l'île, cherchaient à tirer profit. Hein. Bon, l'intérêt initial, c'est la marine britannique qui a besoin d'une escale. Alors, vous voyez la situation de Sri Lanka par rapport à l'Asie, c'est l'escale. Bon, autrefois, les bateaux qui allaient en Indochine ou en Chine, ils tous escalent à Colombo. C'est l'escale. Mais à partir de l'escale, et ça c'était les Portugais, les Hollandais avant les Anglais, à partir de l'escale, les Anglais ont commencé à vouloir rentabiliser leur domination. Et là, ils ont créé une économie de plantation. Donc au début, c'était les épices, la cannelle en particulier, et la noix d'arec. Et puis ensuite, les Anglais sont aperçus que le café poussait bien, donc ils ont développé les plantations de café. Le café a été détruit par une maladie, et on a planté le thé et les VA, l'arbre à caoutchouc. Alors, les plantations de thé ont amené des tamouls dans le centre de l'île. Ces tamouls se sont très mal entendus avec la population des villages singalais environnants qui vivaient de la culture du riz, du jardin, et qui a très mal perçu le développement des plantations au cœur de ces terroirs. Mmh. Et cette population singalaise est devenu hostile à la fois aux Anglais, mais aussi aux Tamouls qui travaillent sur l'importation des Anglais. Donc là, il y a un facteur de crise potentielle. Et puis, comme les terres des plantations, comme les plantations encerclaient les villages, il y a beaucoup de villageois qui ont dû quitter leur village quand se sont ouvertes des opportunités dans cette zone-là. Donc c'est pas les zones tamoules, mais c'est pas loin des zones tamoules ici. Lorsque les Anglais ont restauré des ouvrages d'irrigation qui existaient depuis l'Antiquité, et qu'ils ont restauré autour des cités antiques. Mais si vous allez un jour à Sri Lanka, vous avez un patrimoine architectural extraordinaire, bouddhique, magnifique. Et donc ces cités antiques s'étaient constituées grâce à des systèmes d'irrigation hydraulique extrêmement perfectionnés. Les Anglais ont restauré ces systèmes hydrauliques et ont attiré donc des colons pour cultiver le riz en contrebas de ces barrages. Les colons venaient des régions de plantation. C'était des villageois dont les terres avaient été enserrées par les plantations. Et donc ces villageois se sont retrouvés au contact de populations tamoules qui vivaient juste à côté. Et donc là aussi, il y a eu des heurts potentiels. Vous voyez, De fil en aiguille, les méthodes coloniales britanniques, sur le plan économique, j'entends, ont mis en contact des populations qui n'avaient pas de raison d'être en opposition, parce qu'ils n'avaient pas, ils étaient autonomes les uns par rapport aux autres. Alors ça, c'est une chose. Et puis alors, il y a le système, le système colonial lui-même, qui, comme tous les systèmes coloniaux, mise sur certaines communautés au détriment d'autres. C'est divisé pour régner, c'est la méthode classique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les Tamouls ont été privilégiés par les Anglais. Bon, enfin, ils ont été privilégiés, ou plutôt, ils ont tiré parti d'une façon finalement très, très, très intelligente de leur désavantage de départ. Au départ, leur pays est un pays plus pauvre. C'est un pays... les régions cingalaises sont verdoyantes. Tout pousse facilement, en tout cas on a l'impression que tout pousse facilement. Les régions tamoules sont beaucoup plus arides. Et donc les Tamouls ont beaucoup investi dans l'enseignement, dans des professions non agricoles. Alors que les Cingalais vivaient beaucoup plus facilement de leur plantation de cocotiers d'un année à l'autre. Donc les Tamouls ont investi dans la connaissance de la langue anglaise. Et se sont mis au service de la puissance coloniale à Sri Lanka, mais aussi en Malaisie et dans d'autres pays. Dès 1900, il y a pas mal de Tamouls dans l'administration coloniale en Malaisie. De la même façon que vous avez des Pondichériens dans l'administration coloniale à Saigon. Et des Sikhs avec leur turban dans l'armée britannique dans tous les pays du monde. Donc c'est ça le phénomène colonial qui fait que on privilégie une minorité et ensuite on la lâche. Les Tamouls ont eu l'impression d'être lâchés par les Anglais. Ça c'est commun à tous les pays qui prennent leur autonomie. L'ancien colonisateur les délaisse complètement. Ben oui. Aux Antilles, Haïti a été complètement délaissé. Et c'est la même logique qu'on retrouve après dans tous les pays. Vous ne voulez plus de nous, on ne s'occupe plus de vous. Alors, ce qu'il y a, c'est que Sri Lanka a quand même bénéficié, si je puis dire, d'un régime démocratique, représentatif, très très tôt. Ce que les Français n'ont pas beaucoup fait. Vous en parlerez avec Salem Chaker quand il viendra vous causer. Mais les Anglais ont quand même donné l'autonomie interne à Sri Lanka avec le suffrage universel des deux sexes en 1931. Ce qui veut dire que les Sri Lankaises ont voté avant les Françaises. 31. Suffrage universel des deux sexes. Donc les Anglais ont laissé ça aussi. Ils ont aussi laissé un réseau de chemins de fer, des routes, etc., qui était un peu plus étoffé que ce que faisaient les colonisateurs en Afrique, où ils traçaient une voie de chemin de fer partant du port et allant vers l'intérieur. Tandis que là, Sri Lanka, c'est dans tous les sens. Donc, il y a des réseaux. Il y a eu quand même une sorte d'investissement sur l'infrastructure. Qui s'est maintenu. Bon, alors c'est un peu dégradé dans certains cas, mais. Et puis le fait que l'anglais soit toujours une des trois langues officielles. Enfin. Voilà, et puis alors, l'anglais est quand même une langue internationale en même temps, ce qui ouvre des portes pour les Sri Lankais que des gens qui ont été colonisés par les Portugais, par exemple, n'ont pas. Hein. Je ne parle pas des Français parce que c'est un peu différent, mais le cas des anciennes colonies portugaises, bon, ils n'ont pas beaucoup de. Des possibilités. Voilà, donc, la question n'est pas de tirer un bilan négatif ou positif de la colonisation, mais de voir qu'il y a des choses qui ont subsisté. Il y a des legs qui ont subsisté. Bon, il y a aussi le système juridique. Mais alors là, ce n'est pas forcément un leg très positif, parce que alors, le système juridique à Sri Lanka, c'est une foire permanente. C'est un théâtre dans lequel tout le monde vient regarder des acteurs qui coûtent extrêmement cher. Donc il y a un foisonnement extraordinaire d'hommes de loi dans ce pays. Et on n'arrive jamais au bout d'un procès. Ça peut jouer d'ailleurs aussi pour les questions tournant autour des droits de l'homme. Il y a des procès qui traînent depuis... Alors les procès pour la terre, ça traîne depuis 2-3 générations. Mais même des procès qui seraient plus faciles à gérer, ça traîne parce qu'il y a toujours des appels, il y a toujours des avocats malins. Alors c'est les Anglais. Alors cette particularité, c'est même antérieure aux Anglais. Les Hollandais, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont introduit la loi, qu'ils appellent le Roman Dutch Law, la loi romaine, enfin le droit romain hollandais. Et bah, les Cingalais et les Tamoussi se sont jetés là-dessus avec beaucoup d'intérêt, et on commence, c'est devenu une sorte de passion nationale. Ça continue avec les Anglais ont repris ce droit. Donc il n'y a plus de droit traditionnel. Il n'y a absolument aucun droit traditionnel, sauf peut-être pour les monastères bouddhiques, et encore. Et donc, voilà, c'est la judicaire permanente, c'est extraordinaire. Donc c'est devenu un trait culturel du pays, et ça bloque beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas arriver à des solutions tranchées. Tout peut être mis en cause. Et donc ça joue aussi probablement, mais alors là c'est un peu plus difficile à interpréter, au niveau des promesses politiques. Bon, alors, vous savez que les promesses politiques n'engagent que ceux qui les croient, mais les promesses politiques faites par les gouvernements à majorité cingalaise, au Tamoul, depuis 1956 jusqu'à nos jours, étaient innombrables et n'ont jamais été tenues. Donc ça rend un peu pessimiste sur ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, donc on ne tient pas les promesses. Et comment qualifieriez-vous, comment peut-on qualifier, si c'est possible, d'un point de vue synthétique, ce qu'était l'idéologie du mouvement séparatiste? Du mouvement séparatiste. Quels principes, sur quoi il se référait? Et puis, contradictoirement à la majorité gouvernementale qui veulent l'emporter, qui ne semble pas former, sauf l'armée, un État fort, puisqu'il n'est même pas capable de générer une instance de droit. Oui, l'idéologie, en fait, elle a évolué, l'idéologie séparatiste, parce qu'au début, c'était des étudiants radicaux qui étaient marqués par le marxisme-léninisme, plutôt tendance Guevara. Il y a cette image de l'île Cuba. Cuba, c'était une sorte de modèle. Hein. C'est aussi une île, etc. La lutte armée, on comporte très vite le pouvoir. Donc Guevara était le grand héros, aussi bien chez les Cingalais que chez les Tamouls. Donc ça, c'est vraiment le tout début du mouvement séparatiste chez les étudiants tamouls. Et puis progressivement, ce qui a vraiment pris le dessus, c'est l'idée que en fait la nation Tamoul est une nation distincte par sa langue, par son histoire, et s'est développée une théorie qui est douteuse historiquement, mais d'après laquelle en fait, l'île n'aurait jamais été unifiée. Et que c'est les Anglais qui, en imposant leur loi coloniale, auraient créé une unification artificielle. Bon, en fait, les choses sont plus compliquées que ça, si on remonte dans le passé. Les Tamouls, à un moment donné de leur histoire, ont été bouddhistes. Et ils étaient... En fait, il n'y avait pas de distinction entre le nord et le reste de l'île. Toute la partie centre-nord était peuplée par des gens qui appartenaient à cette civilisation hydraulique, dirigée par des rois qui étaient des rois cingalais, qui s'affirmaient cingalais, qui parlaient la langue cingalaise, mais qui avaient sous leurs ordres une population qui était extrêmement mélangée. En fait, cingalais et tamoul étaient très mélangés. Et à partir du XIIIe siècle à peu près, les deux communautés se sont séparées parce que les ouvrages d'irrigation ont été abandonnés. Il y a eu une crise, c'est exactement comme à Angkor au Cambodge. Les cités antiques ont été abandonnées pour des raisons qui tiennent d'une part à des invasions, mais aussi à l'apparition, au développement de la malaria, du paludisme, qui affaiblit tellement les gens qu'ils ne peuvent pas entretenir les ouvrages d'irrigation. Donc il y a eu une crise et les Cingalais se sont pliés vers le sud et les Tamouls vers le nord. Qu'il y a eu une coupure qui n'existait pas dans le passé. Donc dire que l'île n'a jamais été unifiée, c'est pas exact. Donc pour en venir à la revendication tamoule, leur idée, la revendication séparatiste, c'est l'idée qu'ils constituent une nation, et une nation qui a un territoire. Donc, la langue, la nation, le territoire. Le territoire, c'est Ilam, donc c'est le nord et l'est de l'île. Zone où on parle tamoul, mais qu'on peut rallonger, l'est peut descendre très loin vers le sud, et le nord-ouest peut descendre très loin vers le sud aussi. Donc il y a l'idée de territoire, de foyer national, si vous voulez. Et ça a été élaboré à partir des années 76, 77, 78, hein, notamment par des intellectuels tamouls qui se sont réunis dans ce qui allait devenir l'université de Jaffna, dans un endroit qui s'appelle Vadukoday, et qui ont proclamé, il y a une charte, et donc qui définit les droits du peuple tamoul. Alors, cette position s'est transformée donc avec la montée des tigres en une idéologie qui valorise le combat au détriment probablement de la disons de l'approche politique. Dans l'organisation des tigres, à partir des années 2003-2004, il n'y avait pratiquement plus aucun politique. Enfin, plus aucun. Dans les années jusqu'en 2003-2004, il y a eu des négociateurs qui appartenaient, qui étaient proches du leadership des tigres. Il y en a un qui vivait d'ailleurs en Angleterre. Il est mort de mort naturelle, et après sa disparition, il n'y avait pratiquement plus personne. Donc c'est devenu vraiment une idéologie de combat, mais avec très peu d'arrière-plan politique. Et finalement, un embrigadement de plus en plus fort de la société. Bon, au moment, dans les années 2006 à 2009, toutes les familles devaient donner un ou deux de leurs enfants à la cause. Et donc les tigres recrutaient dans les écoles à partir de 14 ans des enfants. Donc les victimes de... Les derniers combats étaient très souvent des jeunes enfants. Donc là, si vous voulez, il y a eu une évolution très, très, très importante de l'idéologie. Alors, les tamouls qui n'étaient pas tigres, parce qu'il y a quand même tout un mouvement chez les tamouls qui ont contesté cette approche purement militariste, eux avaient une approche qui consistait à continuer à défendre l'idée fédérale. Bon, c'est vraiment cette idée-là qui est au cœur de ceux qui sont encore présents, si vous voulez, qui bon, pas du gouvernement tamoul en exil, mais le gouvernement tamoul en exil ne représente pas grand monde sur place. Hein. Il n'y a pas de relais sur place. Et par différence, sur quel principe donc le les forces qui l'ont emporté, quel type d'idéologie défendent-ils ? Alors, ceux qui l'ont emporté, disons, bon, le mouvement qui l'a emporté entre 2006 et 2009. Donc, c'est un mouvement qui a été fondé, bon, c'est l'idéologie singhalaise bouddhiste nationaliste, donc les Singhalais constituent une nation. Les Tamouls constituent peut-être une nation, mais c'est une nation qui est considérée comme étrangère à l'île, puisque l'île, pour les bouddhistes, c'est le lieu dans lequel le Bouddha a décidé de déposer la semence de sa doctrine. Bon, il y a des mythes qui racontent que le Bouddha est venu visiter l'île à trois reprises. Et qu'il a laissé l'empreinte de son pied sur la plus haute montagne, qu'on appelle le pic d'Adam, parce que c'est les Arabes qui ont réinterprété l'histoire en disant que c'était Adam qui, en quittant le paradis terrestre, avait laissé l'empreinte de son pied. Mais en fait, pour les bouddhistes, c'est l'empreinte du pied du Bouddha. Donc il y a toute une mythologie développée autour de l'identité purement bouddhique de l'île, qui a été réinterprété par les politiciens à partir des années, disons à partir de 1980 à peu près, pour faire du bouddhisme le ferment d'une défense de l'identité singhalaise, la langue étant aussi importante. Pour les Singhalais, la langue est importante, mais pas aussi importante que pour les Tamouls. Parce que les Tamouls n'ont pas d'unité religieuse. Alors que les Singhalais, bon, il y a un certain nombre de catholiques singhalais, mais ils sont quand même assez marginalisés, et donc l'identité bouddhique est centrale. Donc on peut dire que c'est du nationalisme bouddhiste singhalais. Maintenant, parmi les Singhalais, ou parmi d'autres citoyens sri-lankais, il y a aussi cette idée que le mouvement séparatiste tamoul est un mouvement qu'il qualifie de fasciste. Ça, c'est tout à fait fréquent chez les Singhalais libéraux, intellectuels libéraux, d'entendre cette qualification. Donc il ne renie pas la revendication culturelle des Tamouls, mais il considère que le type d'organisation qui a été produit par les Tigres est un type d'organisation fasciste. Et donc, à ce titre-là, ils ont, disons, prêté main forte à la solution finale, si je puis dire, qui a été imposée par Ajapaksé. Mais, disons qu'aujourd'hui, les Singhalais sont extrêmement divisés. Alors, dans la population, dans les milieux populaires, il y a une tendance à être plus anti-tamoul que dans les milieux de la bourgeoisie. Parce que, en fait, les milieux populaires ont largement bénéficié des emplois offerts par l'armée. Une armée de 200 000 hommes, ce qui est quand même pour un pays de 20 millions d'habitants, c'est... Une armée de 200 000 hommes, ça veut dire beaucoup de garçons de la campagne qui ont un job. Et cette armée de 200 000 hommes est toujours en place. Alors, évidemment, ils n'ont plus rien à faire, ou presque plus rien à faire en tant qu'armée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des hôtels, ils construisent des routes, ils servent de boy dans les hôtels détenus par l'armée. Ils sont un peu partout... Ils ouvrent quelquefois des petits commerces le long des routes pour vendre des bouteilles d'eau minérale, enfin ce genre de choses. Ça change de checkpoint. Oui, ça change de checkpoint. c'est du coup où je checkpoint. Exactement. On reprend. Allez, une dernière question assez rapide. Voilà, si je peux. Est-ce qu'il y a une volonté politique exprimée entre les Tamouls sri lankais et les Tamouls indiens? Les Tamouls indiens ont toujours verbalement dit qu'ils soutenaient les Tamouls sri-lankais, qu'ils allaient faire qu'ils allaient pousser le gouvernement indien à la défense de leurs cousins. Mais dans la réalité, c'est jamais allé très très loin. Sauf que la plupart des politiciens de Madras, ça s'appelle Chennai maintenant. La plupart de ces politiciens sont des gens qui ont fait du business dans le cinéma. Il y a beaucoup d'anciens acteurs de cinéma ou d'épouses ou de veuves d'anciens acteurs de cinéma. Et un certain nombre d'entre eux sont nés à Sri Lanka, parce qu'il y a toujours eu de la circulation. Donc, de ce point de vue-là, il y a ce sentiment quand même d'appartenir au même peuple. Mais c'est jamais allé très très loin. Alors, la diaspora pornichérienne ne se sent pas très concernée. Donc, pour parler de la diaspora en France, donc les Tamouls en France, c'est pornichériens qui sont, en l'occurrence, citoyens français, pour la grande majorité, parce qu'ils ont opté pour la citoyenneté française quand Pondichéry était une petite colonie française, est devenue indienne, en 1956, entre 1956-1962, donc ils sont citoyens français. La plupart catholiques, il y a des hindous aussi, mais beaucoup de catholiques, ils ne se sentent pas d'affinité particulière, d'autant plus que la langue qu'ils parlent n'est pas tout à fait la même que celle des Tamouls sri-lankais. Très bien. Merci. Tamoul, oui, Pondichéry est tamoul à 100%. Les Pondichériens sont des tamouls, de langue et de culture. Et donc, eux, en France, bon, ça représente à peu près la moitié de la communauté tamoule française. L'autre moitié, c'est les gens de Sri Lanka. Et donc, ils ont, quelquefois, ils fréquentent les mêmes temples quand ils sont, ou les mêmes églises quand ils sont catholiques, ou les mêmes temples quand ils sont hindous. Mais il n'y a pas une très, très forte solidarité. Si ça vous intéresse, il y a un numéro d'Hommes et Migrations, qui est la revue du Musée d'histoire de l'immigration, qui est consacré aux diasporas tamoules. Je pense que c'est il y a 3 ans. Il y avait une tradition, il s'agit des états étrangers français, d'avoir comme personnel d'accueil un certain bâtiment des tamouls. Oui. Vous avez pas réservé. De Pondichéry. De Pondichéry. De Pondichéry. Oui, c'est toujours le cas, et aussi dans les musées. Oui. Vous avez beaucoup de tamouls. C'est un peu comme les Guadeloupéens ou les Martiniquais. Ça se dissout un peu moins. Un petit peu, oui. Parce que la communauté tamoule... Et beaucoup de militaires. Beaucoup de militaires. Oui. Il y a beaucoup de militaires tamouls. Bon, merci beaucoup. Merci. On va pouvoir prendre... Pour ceux qui viennent de Oui, si vous voulez récupérer sur la clé. Oui, mais ça marche pas. C'est bizarre. Les cartes. C'est vraiment bizarre. Il y a un problème d'autorisation. Toi, là, j'ai mis les cartes. C'est lui qui a fait. C'est les cartes essentiellement. Parce que je ne me souviens pas. C'est bon. Alors, comment ça, c'est bon. Ça, c'est bon, bizarre. Ou alors, il faudrait le. Non, mais apparemment, tu as les cartes. Et par contre, les photos. Alors, les photos. Non, c'est bon, moi tu les as. Alors tu as. Attends, c'est ça. Pas les cartes. Non, mais ça doit être bon, regarde. Il y a beaucoup de choses sur papier, c'est pas trop. Tu vois. Ah non, mais ça c'est les cartes. Mon carte. Tu as les cartes, donc c'est bon. C'est bon, les cartes sont bonnes. Ouais, c'est tout. Normalement c'est bon. Tu vois, t'as Sri Lanka, voilà, c'est bon.